Nouvelle scène nationale, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois, de 19h à 20h, l'émission coproduite par la Nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise et votre radio locale RGB 99.2. Émission animée par José Guérin, rediffusion le samedi suivant de 9h à 10h. Bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette émission du mois de février 2019. Bienvenue à tous et à toutes qui nous rejoignez sur le 99.2 FM, mais également sur radio-rgb.net. Aujourd'hui, il sera question d'un temps fort qui marquera cette saison 2018-2019 à la Nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise, art et humanité. On parle même d'un festival, 5 spectacles internationaux, un cycle de séminaires avec l'université de Cergy-Pontoise, un forum artistique citoyen et solidaire avec des associations du territoire. En studio, deux invités, Chloé Gilbert qui est directrice des relations publiques et de l'accueil à cette même scène nationale. Bonjour Chloé. Bonjour. Angadrem Grandjia, chargée des relations publiques, c'est une première pour elle sur cette antenne de radio. Bienvenue, bonjour. Bonjour, merci. On va parler de choses et d'autres, évidemment. Deux invités en phoneur, en insert téléphonique, Yann Duivendak, concepteur de Action et de Stay in Paradise, et Dorothée Munianeza, chorégraphe et danseuse de Samedi Détente. Nouvelle scène nationale, l'émission sur RGB 99.2, Arts et Humanités. J'évoquais l'un des grands temps forts de cette saison qui est en cours à la Nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise. C'est Chloé Gilbert qui va nous parler de ce temps fort et de ses enjeux, arts et humanités. De quoi s'agit-il ? Alors effectivement, il s'agit d'un temps important et au cœur du projet artistique de la Nouvelle scène nationale et du projet de Fariel Bakouri. C'est un rendez-vous qu'on retrouvera chaque année, qui cette année aura lieu du 12 au 24 mars. Les humanités, elles sont présentes dans l'ensemble du projet. Et de toute façon, je crois qu'elles sont au cœur de l'ensemble du projet artistique de la Nouvelle scène nationale. Mais l'idée, c'est là de réunir, sur un temps qui dure quand même plus de 10 jours, des artistes internationaux, des spectacles internationaux. Certains d'entre eux sont vus pour la première fois en France. Et de faire le lien, justement, entre le spectacle, entre les arts et les humanités, comment à un moment les artistes s'emparent des grands sujets de ce monde qui nous préoccupent tous, et comment aussi l'art peut permettre d'aborder ces sujets de manière différente, et de créer aussi le débat citoyen au cœur de cette nouvelle scène nationale. Avec l'idée de créer, on va dire, des synergies, voire des prolongements entre les séminaires et les spectacles également. Oui, tout à fait, c'est-à-dire que ça, on le retrouve dans l'ensemble de nos temps forts, mais c'est encore plus vrai sur ce temps art et humanité, c'est-à-dire que l'enjeu, à partir du moment où on est sur des sujets qui préoccupent le monde et qui interrogent le monde, c'est d'associer les différents partenaires du territoire et de co-construire, toujours dans une dynamique partenariale. L'université nous est apparue comme un partenaire évident de ce temps fort, et donc on a un partenariat avec le Master Développement culturel et valorisation du patrimoine, et là aussi l'idée c'est de co-construire, c'est-à-dire que comment une thématique qui va être au cœur des sujets de recherche et de réflexion de ces étudiants fait le lien avec un moment, un spectacle, une proposition artistique. Les artistes des spectacles accueillis dans le cadre de ce temps fort vont être au cœur de ces séminaires, vont intervenir dans le cadre de ces séminaires. Très bien, on va illustrer tout cela avec nos autres invités et les spectacles internationaux qui seront à l'affiche de ce temps fort. Juste une précision en ouverture, il y a un spectacle qui était annoncé dans la programmation de cette saison 2018-2019, Beyond Caring, qui a été annulé. Oui, tout à fait. On a appris assez récemment l'annulation de ce spectacle, puisqu'en fait, l'ensemble de la tournée française est annulée à la demande de la production. Nouvelle scène nationale, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Alors Dorothée Munianeza, vous êtes chorégraphe, vous venez nous présenter prochainement à l'affiche à la Nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise le spectacle Samedi Détente. Oui. Ce sera à l'affiche les mardis 19 mars et mercredi 20 mars à 20h30. Alors, absolument. Samedi Détente, c'est un spectacle qui vous replonge à la fois dans l'histoire et dans votre propre histoire, votre histoire familiale. 1994, pour être précis, et peut-être encore plus précis, une date, le 6 avril 1994, une date qui a eu un effet effectivement tragique, voire davantage, sur tout un pays, qui est le Rwanda. Oui, tout à fait. Ça billet de tente, pour moi, je l'ai créé pour question de mémoire, un devoir de mémoire, que je pense que finalement j'étais prête à pouvoir aborder cette cicatrice qui est la nôtre, de notre histoire, de mon histoire individuelle, de notre histoire collective, et de notre mémoire en tant que faisant partie de l'humanité. Et c'est vrai que le 6 avril est une date mémorable, puisque l'avion du président Habyalimane a été abattu. Et ce fut le déclenchement même des massacres, et donc du génocide des Tutsis au Rwanda. Et cette date, pour moi, il y a un avant et un après. Et Samedi détente aborde l'avant et le pendant pour parler de l'après, de la femme que je suis venue, de l'artiste que je suis devenue, mais en partant d'un point de vue d'une jeune fille, parce qu'à l'époque j'avais 11 ans, j'allais avoir 12 ans, donc écrire à travers les yeux d'une enfant qui est devenue femme, l'horreur de cette époque, mais aussi de parler des gens que j'ai aimés avant cette horreur. Souvenir d'enfance, parce que vous disiez effectivement que vous aviez entre 11 et 12 ans à ce moment-là. Il y avait l'avant, un pays qui est forcément encore présent dans votre mémoire aujourd'hui. Oui, il est absolument présent, il ne peut ne pas l'être, comme l'enfance de n'importe qui. C'est une période qui est fondatrice dans une vie de toute personne, de tout individu. Et pour moi, je pense que beaucoup de choses qui me reviennent même aujourd'hui, 25 ans plus tard, sont ancrées dans cette enfance-là, dans les rires avec mes cousines, mes cousins, mes voisins, les marches jusqu'à l'école, la poussière dans les rues de Gikondo qui était mon quartier d'enfance, la verdure, le soleil, la musique, parce que j'aimais beaucoup avec mes amis créer des sortes de performances liées aux musiques qu'on écoutait à l'époque ou des informations qu'on recevait venant d'autres pays, et donc on était constamment dans une créativité toujours assez gaie, assez insouciante. Donc pour moi, la lumière de cette époque-là, qui s'est retrouvée abruptement et violemment arrêtée par le début du génocide des Tutsis, est restée ancrée en moi et m'habite toujours. Je ne peux jamais oublier cette enfance-là et cette enfance joyeuse, même si, évidemment, elle s'est retrouvée absorbée complètement dans le gouffre de ce génocide. Pour ceux et celles qui nous écoutent d'avril à juillet 1994, pour ceux qui auraient tendance à l'avoir oublié, près d'un million de personnes ont été exterminées au Rwanda. Parlant de mémoire il y a un instant, mémoire de génocide, je lisais un propos écrit par l'écrivain et journaliste sénégalais Boubacar Boris Diop qui a dit la chose suivante. La mémoire d'un génocide est une mémoire paradoxale. Plus le temps passe, moins on l'oublie. Est-ce que c'est le cas pour vous? Oui, je pense que c'est une phrase pertinente, c'est une phrase qui est très juste. Comment dirais-je? On ne peut jamais oublier un génocide. C'est quelque chose qui est tellement violent, tellement marquant. On ne peut jamais l'oublier puisqu'on est marqué à vie. C'est une trace indélébile qui peut être physique, qui peut être psychologique. Et en même temps, il y a la vie, disons, qui nous appelle, qui appelle ceux qui ont survécu et qui appelle à avancer. Mais on avance avec cette mémoire. On ne peut jamais, avec le temps, l'oublier. Enfin, personnellement, en tout cas, jusqu'à présent, je suis incapable de dire que je peux même oublier ce qui s'est passé. J'essaye, au contraire, de voir comment m'en souvenir pour pouvoir penser les plaies, penser les blessures, comment partager, comment témoigner, inviter l'autre ou ceux qui sont éloignés de cette histoire dans la réflexion même de partager cette mémoire. Et je pense que ce n'est pas aujourd'hui, en tout cas pour moi, ce n'est plus quelque chose qui est normalement ou simplement lié à la population rwandaise, mais c'est comment ce silence, cette blessure, cette cicatrice qui fait partie de notre histoire en tant que Rwandais, est aussi une blessure que d'autres doivent voir et comprendre et essayer de porter en même temps que nous. Et donc, dans mon travail, d'ailleurs, c'est ça, c'est comment aborder cette cicatrice-là et d'autres cicatrices de nos histoires, de nos humanités mêlées, pour pouvoir parler de la mémoire et comment la porter ensemble aujourd'hui. Lu dans la presse, à propos de votre spectacle « Samedi détente », Un témoignage sobre et puissant, à base de textes, de danses et d'images. Une manière d'exorciser le massacre en chantant, lu dans Libération. Dans ce spectacle, il n'y a pas d'accusation. Pour autant, vos souvenirs font état effectivement de cette folie meurtrière d'un génocide, des faits accablants qui se sont produits pendant cette période, la responsabilité de la France, de l'Église catholique. Pas d'accusation, mais pour autant, l'occasion pour vous de remettre et de resituer cette tragédie dans un contexte global, dans un contexte international. Le silence de l'essentiel des pays africains, par exemple. Oui. Aujourd'hui, on ne peut plus dire, par rapport au génocide des Tutsis, que c'est quelque chose qu'on ignorait. Ou quand je parle de l'Occident qui nous a tourné le dos, ou des restes des pays africains qui ne nous ont pas tendu la main, c'est pour dire que je tente par l'art, parce que moi c'est la voie que j'ai choisie, c'est l'outil même que j'ai choisi pour pouvoir aborder la question du génocide des Tutsis au Rwanda dans mon pays, c'est comment faire le lien, comment construire les ponts nécessaires pour atteindre le spectateur ou la personne qui va venir écouter ou entendre mes propos ou nos propos et dire cela ne concerne pas seulement le pays du Rwanda ou les Rwandais, mais aussi cela me concerne parce que, parlons franchement, en France, on commence à savoir comment la France a été impliquée et donc comment est-ce qu'en tant que Français, on peut ne pas rester indifférent. Parce que pour moi, l'indifférence, c'est l'ennemi de l'humanité et de pouvoir tendre la main, de pouvoir tendre l'oreille, de faire attention à l'autre, d'être le lien, celui à autrui. Et donc, pour moi, une invitation à travers le spectacle à l'autre de réfléchir, de refléter un peu sur le passé, sur le présent et comment est-ce qu'on peut améliorer notre écoute de ce qui se passe dans notre monde. C'est un appel à l'engagement, un appel à faire attention à autrui pour pouvoir ne pas dire je ne savais pas et donc ne peut pas être responsable de quoi qu'il arrive dans notre... Quelle que soit la distance, tant géographique qu'au niveau du temps, il s'est écoulé plus d'une vingtaine d'années, 25 ans presque. Pas question de rester neutre et surtout de se plonger dans l'indifférence comme parfois on a tendance aujourd'hui dans l'accélération de la vie, dans nos sociétés confortables, on a tendance un peu à faire acte d'oubli. Je peux comprendre qu'il y a parfois des situations qui nous donnent l'impression qu'on est dépassé, qu'on ne peut rien, qu'on ne peut pas agir, qu'on ne peut pas réagir. Mais je suis convaincue, en tant qu'être humain, on ne peut pas rester les bras croisés quand il y a des choses épouvantables qui se passent dans notre monde, même les plus éloignés, géographiquement parlant, temporellement parlant. Il y a toujours quelque chose à faire afin de ne pas dire qu'on n'est pas responsable, parce qu'il y a une responsabilité qu'on doit avoir envers autrui, parce qu'on fait partie du même tissu humain. Et l'indifférence, pour moi, c'est ce qu'il y a de pire comme geste envers autrui. C'est de ne pas penser que ce qui lui arrive ne me concerne pas, ne me touche pas, ne m'émeut pas. Et donc, comment est-ce que notre cœur, notre esprit peut être remué? Et je pense que l'art peut y contribuer beaucoup dans cette ouverture des possibles, et notamment de l'engagement. Et c'est la voie que j'ai choisie à travers la danse, à travers l'écriture du texte, à travers le geste, la musique, évidemment. Pour moi, c'est très important. Tous ces outils artistiques contribuent à éveiller, à réveiller, à créer des liens. Samedi détente fait référence aussi à une émission de radio. Vous êtes sur une antenne de radio. Une émission de radio qui existait jusqu'en 1994 au Rwanda, sur Radio Rwanda, c'est ça ? Oui, oui, tout à fait. C'est une émission qui avait lieu tous les samedis soirs, donc qui était destinée aux gens plus âgés que moi à l'époque, mais ça ne m'empêchait pas de tendre l'oreille avec mes amis pour savoir un peu ce qui se passait sur les ondes radio et qui nous parvenait de pays étrangers comme musique du moment, etc. Et j'aimais beaucoup cette émission parce qu'elle était assez divertissante et on apprenait vraiment beaucoup des hits du moment. Et quand je me retrouvais le lundi suivant avec mes amis à l'école, on mettait en scène ce qu'on avait entendu, même si c'était en langue étrangère comme le français ou l'anglais qu'on ne maîtrisait pas à l'époque. Et donc on était créatifs avec ce qu'on avait pu retenir. Et cette émission... Elle s'est arrêtée évidemment au début du génocide des Tutsis. Et en plus, la plupart des amis de mes camarades d'école avec qui j'avais l'habitude d'écouter ces musiques avaient été massacrés pendant le génocide. Et donc, pour moi, c'était une façon de parler des disparus en invoquant ce qui nous rassemblait. Comment parler des temps d'avant, des musiques d'avant, de l'insouciance d'avant, en me référant donc à cette émission radiophonique qui était le cœur même de la communauté les samedis soirs, des temps de suspension comme ça. Et là, je fais vraiment référence à cette émission radiophonique sur Radio Rwanda, mais pour aussi parler du rôle de la radio de manière générale, et notamment de la radio Télévision des Mille Collines, RTLM, qui était une radio génocidaire, une radio meurtrière qui a incité les gens au massacre avant et pendant, que moi je n'écoutais pas à la maison, mais parfois on pouvait passer dans la rue, on entendait ce qui se passait sur les ondes de cette émission-là de RTLM. Et donc pour moi, c'est comment aborder la transmission d'informations, la transmission, quand l'outil même qui, par excellence, peut pénétrer chez les gens dans n'importe quel pays, la radio est un très bel outil pour diffuser de bonnes choses et de mauvaises choses, et n'importe où, parce que la personne qui habite dans un milieu rural ou dans une ville a les moyens de posséder en tout cas un poste de radio, peut avoir les mêmes informations. Et donc, c'est comment est-ce que cet outil a été utilisé de manière massive à la fois avant pour divertir les gens et créer un lien, et en même temps une autre radio qui est née et qui a aussi œuvré dans les massacres et le génocide de Tutsi en 94. Donc pour moi, c'était une façon de parler des disparus. La radio comme outil, effectivement, au service d'êtres humains qui peuvent être capables du meilleur comme du pire. Vous venez effectivement de le rappeler. D'ailleurs, le poste de radio sera physiquement présent sur scène. Je voudrais, pour finir et pour conclure cet entretien, si vous le voulez bien, Dorothée, que vous nous parliez justement des complices que vous avez sur scène, Alain Mahé et Nadia Begret. Oui. J'ai deux très bons complices, j'aime bien ce mot que vous employez là. Alain Mahé, c'est un compositeur, improvisateur que j'avais rencontré à l'époque quand on travaillait tous les deux avec François Véret, un chorégraphe avec qui j'avais commencé à travailler en 2006. Et quand j'ai rencontré Alain Mahé, on avait fort sympathisé, on est devenus amis également, et je lui ai raconté mon histoire qu'on avait vécue au Rwanda en 1994. Et un jour, il m'avait dit que si jamais je voulais raconter cette histoire, il serait là pour m'accompagner dans cette aventure. Et quelques années plus tard, j'étais enfin prête. Et évidemment, j'ai pensé tout de suite à lui parce que c'est un musicien extraordinaire, compositeur de son et d'univers sonore. Pour moi, il fait partie des meilleurs et donc je voulais être avec lui, créer cette pièce avec lui. Et aussi de par son engagement, parce que c'est quelqu'un de politiquement, artistiquement engagé. Et cet engagement-là, j'en avais besoin pour porter ce projet qui n'était pas un des plus simples. Il m'a dit oui, il a dit oui à mon invitation. Et en réfléchissant, je me suis dit que c'était peut-être un rapport trop binaire entre un homme, une femme, une Africaine, un Européen, une Rwandaise, un Français, un Blanc, une Noire. Donc je me suis dit comment je peux ouvrir un peu plus le propos pour continuer à créer ce lien, pour porter ce témoignage qui est le mien. Et j'ai lu Mourambi, le livre des ossements de Bocar Boris Diop, justement, qui était pour moi assez révélateur sur la place qu'on n'a pas occupée le reste de l'Afrique pendant le génocide, ce gouffre qui est né du bras non tendu au Rwandais par les autres pays africains. Et donc je me suis dit peut-être c'est là qu'il faudrait que je crée un lien justement. Quel artiste africain ou quelle artiste africaine avec qui je pourrais collaborer. Et je venais de travailler avec Nadia Begret chez Alain Buffard. Et j'avais beaucoup aimé cette Nadia Begret, par exemple aussi par son engagement, son art, sa chorégraphie, comment elle est complètement investie dans le corps pour témoigner elle-même des histoires qui sont les siennes. Et donc je l'ai invitée, elle m'a dit oui également. Et donc entre nous, il y avait ce trio, comme les trois pieds d'un tabouret. On a un tabouret au Rwanda qui s'appelle Kasanga Bugali, qui est toujours posé sur trois pieds. Et le socle, pour moi, voilà, on était les trois pieds du même tabouret pour créer ce lien entre continent, intercontinental, intergénérationnel, pour témoigner de ce que j'avais à raconter. Et en passant donc par la chorégraphie, par la musique, par un poste radio qui ressemblait à vraiment l'identique de celui que mes parents possédaient à l'époque avant le génocide. Et d'autres collaborateurs encore, Vincent Zadras à la scénographie, Christian Dubé à la lumière, Thierry Morvan au niveau des costumes, parce que tous ces éléments-là contribuent à créer une œuvre artistique que je vous invite à découvrir

Thinking about the guys who made the only troubles. Thinking about the guys who made the only troubles. They ignore what they are doing. They ignore what they are doing. They ignore what they are doing. Do you love me? Do you, do you? Do you need me? Do you, do you? Do you want me? Do you, do you? Do you, do you, do you? Do you love me? Do you, do you? Do you need me? Do you, do you? Do you want me? Do you, do you? Do you, do you, do you, do you? Do you love me? Do you, do you? Do you need me? Do you, do you? Do you want me? Do you, do you? Do you love me? Do you, do you? Do you need me? Do you, do you? Do you want me? Do you, do you? I do, I do, you. I do, do you. Nouvelle scène nationale, l'émission, sur RGB 99.2, Arts et Humanités. D'autres spectacles sont à découvrir à l'occasion de Arts et Humanités, dont il a été question jusqu'à présent dans cette émission. Le spectacle Europium, qui est une chorégraphie avec 5 interprètes, 5 danseurs et danseuses. Ceci sera présenté sur scène au Théâtre des Louvrets à Pontoise le vendredi 22 mars et le samedi 23 mars, avec là en matinée, comme on dit, pour le 23 mars à 16h, alors que la veille, ça sera à 21h. Chloé Gilbert va nous parler de ce spectacle. On parlait tout à l'heure de spectacles internationaux. Là, on est dans le sujet et peut-être un sujet qui va résonner à l'échelle plus européenne, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Un spectacle qui lie les artistes, ce qui les lie. Ces artistes qui seront associés à ce spectacle, ce sont leurs racines européennes. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Europium, on n'est pas les premiers à l'accueillir en France, puisqu'il a été accueilli à Valenciennes. En revanche, c'est la première en Ile-de-France. C'est un spectacle qui a été créé par deux chorégraphes, Linda Capetanea et Joseph Rucek, donc grec et slovaque. Et donc, dans toute l'histoire de la création de ce spectacle, le point de départ a été quelles sont nos différences et quels sont nos points communs en tant qu'Européens. Avec, évidemment, un travail de recherche sur les mythes fondateurs européens. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup le radeau de la Méduse dans le spectacle, hein, qui est au cœur aussi de cette création. Et leur idée, ça a été de se dire, la diversité, elle est nécessaire. Donc, ils n'ont pas voulu proposer une forme aboutie, toute chorégraphiée. Il y a une urgence pour eux aussi à mettre en valeur cette diversité qui nous sauve aussi pour eux. Et en même temps, de la mettre en résonance avec ce qui se passe en Europe. C'est-à-dire que pour eux, créer aujourd'hui un spectacle qui parle de ça, qui parle de cette culture commune européenne et de ces différences européennes, sans prendre en compte ce qui se passe en Méditerranée, sans prendre en compte les drames qu'on connaît en Europe, ça n'avait pas de sens. Donc c'est une forme hybride, mais absolument explosive. Un journaliste a d'ailleurs dit, en ayant vu ce spectacle, qu'on sentait dès le début du spectacle qu'on s'apprêtait à vivre un grand moment et que c'était pas simplement un moment de théâtre ou de danse, c'était un spectacle qui allait marquer le cours de nos vies. Je crois aussi fortement que c'est le cas et que ça va être un grand moment à vivre au Théâtre des Louvrets avec une ambiance rock'n'roll et plein de niveaux de lecture aussi dans ce spectacle. L'occasion aussi effectivement de rappeler ce qui fonde les origines de la culture européenne et contrairement aux idées reçues aujourd'hui, eh bien c'est basé sur la diversité, le partage, tout cela. Et c'est vrai que ce tableau de Géricault, le radeau de la Méduse, ne laisse pas indifférents ceux et celles qui l'ont déjà vu. Immense et tragique tableau. Spectacle, ai-je lu, un spectacle intense et convulsif dans lequel l'engagement de décor évoque le présent de notre monde fragile et menacé. De quoi sortir un petit peu, on va dire, peut-être dérouté de ce spectacle? Oui, alors je pense que peut-être dérouté et en même temps, il faut pas voir le spectacle comme tragique, au contraire. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très positif. Le message fort de ce spectacle, c'est l'urgence de vivre ensemble, de revivre ensemble dans toutes nos diversités. Alors je crois qu'il y a eu à propos de ce spectacle, des représentations qui ont changé de date, non? Oui, tout à fait. En fait, du fait de l'annulation de Beyond Caring, on a réorganisé un petit peu les choses puisqu'il y avait une séance qui était prévue initialement le dimanche 24 mars à 11h, ce qui n'était pas forcément un horaire très facile. Donc, on l'a changé au vendredi 22 à 21h, tout à fait. Vendredi 22 mars à 21h pour ce spectacle Europium. Autre spectacle international qui sera là aussi à partager et à découvrir, Illos Huesos Hablaron. Et les os ont parlé. Sur l'instant, on se dit, attention, ça interroge. Un spectacle, justement, qui questionne notre manière de voir les choses, c'est cela ? Oui, tout à fait. Donc là, on est sur une forme vraiment transdisciplinaire à la frontière entre la danse et le théâtre. C'est un spectacle qui sera en espagnol, surtitré en français, et qui est une création de deux compagnies, une compagnie espagnole de Barcelone et une compagnie mexicaine, qui ont travaillé ensemble. Enfin, leur point de départ, ça a été « Et si on donnait la parole aux vaincus ?» C'est-à-dire qu'à partir de deux faits historiques majeurs, que sont la guerre civile espagnole et les crimes franquistes, et ben, là ça a duré longtemps pour le coup, au Mexique aussi, sur le phénomène quand même d'extermination des communautés indigènes, on sait aujourd'hui que les vainqueurs surtout ont parlé et qu'on a aujourd'hui une partie des choses qui ont été enfouies, et globalement la majorité des victimes de ces deux pays n'ont pas vraiment eu la parole. Et donc, ils sont partis d'un concept qui est le phénomène El Desenterrador. Et à la manière de l'excavation, c'est-à-dire à la manière de sortir les os de la terre, eux, ils sortent très clairement la parole des vaincus. Une forme de travail d'investigation à la manière, justement, d'une fouille archéologique, mais en faisant parler des os, c'est bien ça. Tout à fait, exactement. C'est la métaphore qui a été choisie. Et en même temps, là aussi, en écho à ce que j'expliquais sur Europium, là aussi, l'idée, c'est pas simplement de rester sur le passé et de faire parler les vaincus, c'est aussi de faire écho à ce qui se passe aujourd'hui et à faire en sorte que ça ne se passe plus, à éveiller nos consciences sur ces phénomènes-là. Et donner plus largement la parole aux sans-voix et de leurs pays respectifs, à savoir l'Espagne et le Mexique, c'est bien cela. Exactement, et on peut l'élargir de manière plus internationale encore. Du théâtre et de la danse avec Illos Huesos Hablaron et les os ont parlé. C'est une première programmation en France. Le spectacle a été créé à Barcelone en 2016 et c'est effectivement une belle occasion de débattre, de donner à réfléchir effectivement et à peut-être voir, à attiser notre manière de voir les choses autrement pour chacun de nous. C'est ça l'idée. Exactement. Et c'est à chaque fois, de toute façon, sur les spectacles programmés, l'enjeu aussi, c'est de donner à réfléchir pour avancer mieux. Vous l'avez entendu, le spectacle donc a été déprogrammé pour le dimanche 24 mars. Il sera le 22 mars, vendredi 22 mars à 21h, avec aussi également une représentation le samedi 23 mars, la veille, à 19h, au Théâtre 95 à Cergy Grand Centre, Illos Huesos Hablaron. Nouvelle scène nationale, l'émission, sur RGB 99.2. La nouvelle scène nationale et les partenaires. Toujours à l'affiche de ce festival Art et Humanité, les séminaires qui sont organisés pour cette occasion en partenariat avec l'Université de Cergy-Pontoise. Comme l'a dit Chloé tout à l'heure, c'est important effectivement que ce temps fort puisse être organisé en associant nécessairement un acteur majeur comme l'Université de Cergy-Pontoise. Pour présenter ces séminaires, la programmation et les intervenants et invités, Angadrem Grandjias, qui est en charge des relations publiques sur la scène nationale, c'est bien ça hein, Tout à fait, c'est ça. Alors, séminaires qui sont organisés dans le cadre de ce temps fort, comme je l'ai indiqué, avec l'occasion d'avoir associé plus particulièrement les étudiants du master développement culturel et valorisation des patrimoines. Peut-être indiquer le pourquoi. Aussi préciser qu'il s'agit des étudiants de Master 1 et de Master 2, très important pour nous. Et ce Master, parce que ce sont les professionnels de la culture de demain. Donc il nous semblait aussi important de réfléchir et de co-construire avec ce Master ce cycle de séminaires Art et Humanité. Et d'ailleurs, on tient à remercier Elisabeth Auclair et Anne Herzog, qui sont maîtresses de conférences à l'université et qui ont œuvré avec nous à la recherche des intervenants qui interviendront dans le cadre de ces séminaires. Un cycle de séminaires donc organisé et proposé autour de thèmes ancrés dans la réalité contemporaine, c'est-à-dire dans l'aujourd'hui. Alors je vois parmi ces thèmes réfugiés et exilés, fractures sociales, vivre ensemble, relations avec les peuples du monde entier. On ne peut pas être plus dans la réalité d'aujourd'hui. Alors commençons par l'Europe, ce qui nous lie et qui fait résonance effectivement à ce dont on vient de parler il y a quelques minutes encore sur cette antenne. Exactement. Pour débuter le cycle de séminaires en associant nos artistes et les chercheurs, on a proposé donc de mettre Europium en écho avec ce séminaire qui aura pour titre donc Europe, ce qui nous lie, les imaginaires européens et la culture commune. Donc c'est un séminaire qui aura lieu le 28 février à 14h et nous l'accueillerons au Théâtre 95 en salle Visconti. Et seront présents les concepteurs d'Europium, donc Linda Capetanea et Joseph Frutzek. Et nous avons décidé d'y associer Sylvie Brodziak, qui est professeure aussi à l'université de Cergy-Pontoise, qui nous parlera un peu, elle est professeure de littérature, j'ai pas précisé. Et il était important pour nous d'associer la littérature et la philosophie aussi à ce spectacle dont nous parlait Chloé tout à l'heure. Et c'est très important en effet que cette professeure soit à l'université de Cergy-Pontoise. Associer également le conservateur du département des peintures au musée du Louvre, qui s'appelle Côme Fabre, et qui a beaucoup écrit sur le radeau de la Méduse. L'occasion justement de revenir sur l'histoire de ce tableau de Géricault et peut-être aussi de nous faire part de la place qu'il tient toujours dans l'imaginaire européen. Et pour ceux qui ne le savent pas, ça sera l'occasion de découvrir, d'en savoir davantage à ce propos le jeudi 28 février de 14h à 18h. Ça sera au Théâtre 95 à Cergy Grand Centre. On précise effectivement que ces séminaires sont organisés en associant l'université de Cergy-Pontoise, mais ça veut dire que c'est ouvert aussi à tous, pas seulement réservé aux étudiants. Tout à fait, c'est ça. Dans l'assistance, on accueillera donc les étudiants de Master 1 et Master 2, mais aussi le public qui souhaiterait assister à ces conférences. Ce qui fait débat dans notre société, voire des relations de plus en plus clivantes, c'est les relations Orient-Occident. Là, il est temps de partager, de réfléchir et de peut-être se dépasser sur ces questions pour faire que les relations soient plus apaisées. Et là, deuxième sujet, deuxième thème de ces séminaires, les relations Orient-Occident, avec là d'autres invités, d'autres intervenants. Tout à fait, il nous semblait vraiment opportun d'inviter Yann Duvendac et Omar Hayat, qui viendront aussi avec Georges Daboul, qui est traducteur et qui intervient aussi dans Action et Still in Paradise. Donc ils nous livreront là encore leur regard en tant qu'artiste. Et à leur côté, nous avons invité John Tolan, qui est professeur d'histoire médiévale à l'université de Nantes, ainsi que Akram Belkaïd, qui lui est journaliste au Monde diplomatique. Et ça va être une table ronde vraiment intéressante puisque John Tolan a écrit et il est l'auteur de l'ouvrage sur Mahomet, l'Européen, et il remettra en perspective les relations de l'Occident avec l'islam, donc qui est la question au cœur de ce que nous proposent Yann Duvendac et Omar Hayat. En particulier sur le regard que l'on porte sur l'autre. Et là, ça fait encore une fois évidemment écho à ce qui se passe dans notre société d'aujourd'hui, ici en France, d'ailleurs comme dans d'autres pays. C'est pas un problème franco-français, mais on sait effectivement que ça débat de cette manière dans différents pays et sur différents continents. Ce séminaire aura lieu le jeudi 14 mars de 14h à 18h, cette fois-ci au Théâtre des Louvrais à Pontoise. Autre thématique, je disais, qui faisait écho à ces réalités d'aujourd'hui, c'est mémoire, traumatisme et exil, avec là encore d'autres intervenants, d'autres invités, et organisé cette fois-ci sur un autre lieu qui est, j'ai perdu mes la Maison internationale de la recherche au campus de Neuville, donc de l'université Cergy-Pontoise. Avec pour invité et intervenant Dorothée Mounianeza, qui sera notre artiste de cette table ronde. Et à ses côtés, nous avons invité Stéphane Audouin-Rouzeau, qui est historien à l'EHESS et qui a travaillé sur l'histoire de la Première Guerre mondiale et sur la mémoire du génocide rwandais. Avec d'autres invités. Oui, Paul Guézigou, qui lui est photographe et qui a travaillé sur le Rwanda. Il a développé beaucoup de photos sur le Rwanda et qui lui permettent de faire son travail de mémoire. Et il photographie également les membres de la diaspora rwandaise en France. On a parlé évidemment avec Dorothée Mounianeza de ces sujets de mémoire, à la fois liés à ses souvenirs d'enfant, d'adolescente, mais aussi effectivement cette mémoire qui se transmet plus d'une vingtaine d'années, 25 ans après ces événements, ce génocide qui a fait plus d'un million de morts, faut-il le rappeler, dans cette région du monde, et souvent, on le dit à juste titre, dans l'indifférence presque générale du reste de l'humanité, faut-il le rappeler. Il n'y avait pas une autre invitée ? Si, tout à fait. Adélaïde Moukantabana, qui, elle, est écrivaine et qui a fait paraître chez L'Harmattan L'Innommable. Mémoire, traumatisme et exil. Ce troisième séminaire aura lieu cette fois-ci le jeudi 21 mars de 9h30 à 13h au campus de Neuville, amphithéâtre de la Maison internationale de la recherche. Et j'en profite pour rappeler que c'est ouvert au public et pas simplement aux chercheurs et aux étudiants, contrairement peut-être à ce qu'on pourrait imaginer. Voilà, trois occasions effectivement de donner à réfléchir et de participer effectivement à cette réflexion collective qu'il est tant nécessaire d'avoir dans notre monde d'aujourd'hui. Merci Angadrem. Merci. Nouvelle scène nationale, l'émission sur RGB 99.2 et radio-rgb.net. La nouvelle scène nationale de Sergi Pontoise, c'est pas simplement des représentations, de la création, des lieux de réflexion, des occasions de réflexion et de partage, comme on vient d'en parler au travers de ce temps fort art et humanité, qui, je le précise, se tiendra du mardi 12 au dimanche 24 mars. Donc, vous avez toutes les informations, on va le repréciser pour en savoir davantage sur la programmation dans le détail et sur les réservations à faire à cette occasion. Mais le théâtre, c'est aussi l'occasion d'aller à la rencontre avec les spectateurs et faire en sorte que les spectateurs partagent peut-être davantage de rencontres entre eux-mêmes dans ces lieux de culture que sont les théâtres ici sur Sergi Pontoise. La vie du lieu, c'est en fait, Chloé Gilbert, la vie des lieux, que ce soit au Théâtre 95, au Théâtre des Louvrais et encore au Théâtre des Arts, mais ça c'est plus pour longtemps, je crois savoir. Théâtre des Arts jusqu'à la fin de la saison, effectivement. D'accord. Alors, en cours de construction, parce qu'il y a quelques pistes sur lesquelles toute la direction et toute l'équipe de la nouvelle scène nationale réfléchit, il est question d'un forum citoyen et artistique, de possibles nouveaux partenaires, je vois un partenariat avec Utopia, un café des langues dans les idées qui émergent. Oui, tout à fait. Alors, le programme n'est pas finalisé, mais c'est quand même bien avancé. L'idée, simplement pour rappeler la vie du lieu, c'est aussi comment à un moment la nouvelle scène nationale et ses lieux deviennent des lieux de vie, des lieux de rencontre, des lieux de partage. Comment on peut fréquenter la scène nationale sans forcément assister à une représentation et comment effectivement les différentes associations et les différents habitants se retrouvent dans nos lieux. L'enjeu aussi sur ce temps fort, c'est de faire le lien, puisqu'on parle d'artistes internationaux, de spectacles internationaux, de problématiques sociétales, mondiales, européennes, etc. C'est un moment comment on raccroche ça à notre territoire et comment on développe aussi ce lien, qui est notre préoccupation forte sur ce projet, ce lien de proximité avec les habitants. L'idée, le point fort et central de cette vie du lieu va être effectivement un forum artistique citoyen et solidaire qui se tiendra le 23 mars. L'objectif, là, c'est de réunir des associations militantes dans le champ social, solidaire, humanitaire. Et au-delà d'un simple forum et d'un simple stand associatif, l'idée, c'est de leur donner une tribune et de leur permettre et bien effectivement de s'exprimer, de débattre aussi avec les habitants sur différents sujets qui peuvent être connectés au spectacle, mais pas seulement. Effectivement, à l'occasion du 25 ans du génocide rwandais, triste anniversaire, les associations sont demandeuses d'occuper nos espaces et on sera ravis de les accueillir. L'enjeu aussi sur cette vie du lieu, c'est de créer des moments de convivialité. C'est-à-dire qu'on est aussi sur une dimension internationale et européenne. Comment on réunit ces communautés présentes sur le territoire et comment aussi on aborde des sujets forts en convivialité, en musique, en danse. On envisage d'organiser un événement de type disco-soupe, c'est-à-dire aussi dans cet engagement et cette réflexion qu'on doit avoir sur le gaspillage, même si c'est pas une problématique directement connecté à un spectacle. Forme de repas partagé, c'est ça? Exactement, repas partagé avec des légumes effectivement qui ne peuvent plus être vendus par les supermarchés. Un partenariat avec Utopia qu'on espère développer davantage encore sur les prochaines éditions. Là, il va s'articuler autour d'un film qui s'appelle Le silence des autres et qui fait fortement écho au spectacle Ilos huesos hablaron, puisqu'il s'agit justement des suites en fait de la guerre civile et de cette fameuse loi d'amnistie qui a libéré des prisonniers politiques et qui a passé complètement sous silence des crimes franquistes. Sauf qu'aujourd'hui, des citoyens espagnols veulent faire entendre ces crimes. Et donc, on est complètement en lien avec la thématique évoquée dans Ilos huesos hablaron. Un café des langues, puisqu'effectivement, pour vivre ensemble et pour partager ensemble cette dimension internationale, le premier enjeu, c'est de se comprendre et de savoir communiquer même si on ne parle pas la même langue. Donc c'est un café des langues qu'on souhaite organiser en partenariat avec le Centre Information Jeunesse et le CROUS. Et également, on est aussi sur des idées de gratiféria, en lien aussi avec la Disco Soupe, c'est-à-dire comment aujourd'hui on arrive à échanger autrement que par la monnaie, et comment on peut créer un événement de type troc party dans nos murs. Et la graffiteria, c'est le principe de la gratuité dans l'échange, effectivement, c'est bien ça. Exactement, c'est-à-dire qu'il y a des objets dont on ne se sert plus et qui bénéficieront certainement à d'autres personnes. Merci Chloé pour ces précisions, l'occasion de montrer effectivement que la vie d'un lieu, c'est pas simplement les représentations et la création qui peut s'y produire, mais aussi cette convivialité, ces rencontres, ces occasions de rencontres pour faire en sorte que les habitants se sentent davantage, on va dire, concernés, voire même associés à la vie de ces lieux et de ces lieux de culture ici sur Cergy Pontoise. Merci donc à Chloé, merci à Anga Drem d'avoir été en studio, merci à l'ensemble de nos invités qui sont intervenus à l'occasion de cette émission. Il nous faut en effet conclure, non sans vous rappeler que pour les renseignements, les informations et les réservations à la nouvelle scène nationale de Cergy Pontoise et du Val d'Oise, il y a d'abord le téléphone, encore c'est possible, 01 34 20 14 deux fois, 01 34 20 14 14, et le site internet qui vous renseignera complètement sur le détail de la programmation et sur les démarches pour les réservations, sur le prix des spectacles, voire des abonnements à destination du tout public mais aussi des plus jeunes, le www.nouvellescenenationale.com, nouvelle scène nationale en un seul mot tout attaché .com. Remerciements à Arnaud Vasseur qui m'a aidé à préparer cette émission, remerciements également à Damien Gissa en studio pour la réalisation technique. Cette émission sera rediffusée dans son intégralité samedi prochain, le 16 février de 9h à 10h sur RGB, le 99.2 FM en direct de Cergy Pontoise, mais également sur internet au www.radio-rgb.net, émission qui sera également disponible ensuite en podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous intéresser à cette écoute en différé et à distance. Votre prochain rendez-vous avec la Nouvelle Scène Nationale, l'émission, c'est pour le mois prochain. Nous serons le mercredi 13 mars de 19 à 20h. D'ici là, au plaisir de vous retrouver non seulement à la Nouvelle Scène Nationale de Cergy Pontoise et du Val d'Oise, mais également sur l'antenne de votre radio locale RGB sur le 99.2 FM et radio-rgb.net. Merci, à bientôt. Nouvelle Scène Nationale, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois, de 19h à 20h, l'émission coproduite par la Nouvelle Scène Nationale de Cergy Pontoise et du Val d'Oise et votre radio locale RGB 99.2. Émission animée par José Guérin, rediffusion le samedi suivant de 9h à 10h.